printemps. La guerre, la haine, le sang et les tourments, l'argent. Tu dis tout ça c'est bien ou bien tout ça c'est mal. Que c'est toujours le mal qui fait la une de ton journal. Tu travailles ici ou là mais tu ne sais pas où tu vas. Tu habites ici ou là mais tu ne sais pas qui es toi. Qu'importe si tout ça c'est bien ou bien tout ça c'est mal. Mais c'est toujours le mal qui fait la une de ton journal. C'est banal, c'est fatal. C'est le mal qui fait la une de ton journal. Tu vois c'est normal mais ne peux-tu vraiment faire mieux. N'as-tu rien d'autre à faire que d'attendre un jour d'être vieux. De dire tout ça c'est bien ou bien tout ça c'est mal. Que c'est toujours le mal qui fait la une de ton journal. Tu pars en vacances, tu trouves l'amour si t'as la chance. Et tu la sors dans les restaurants, tu t'en mets plein la panse. Et tu penses, tout ça me fait du bien ou bien tout ça me fait du mal. Mais c'est toujours le mal qui fait la une de ton journal. C'est banal, c'est fatal. C'est le mal qui fait la une de ton journal. La paix, l'amour, le vent et le printemps. La guerre, la haine, le sang et les tourments. L'argent, tu dis tout ça c'est bien ou bien tout ça c'est mal. Que c'est toujours le mal qui fait la une de ton journal. La paix, l'amour, le vent et le printemps. Si tu ne fais rien pour eux, n'en ont plus pour longtemps. Et bientôt tu ne sauras plus ce qui est bien ou mal. Et pour toujours le mal fera la une de ton journal.